Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. C'est parti pour Ça ira mieux demain, l'émission, l'autre manière d'aborder les séries. Alors, il y en a plusieurs sur Fadjet et à destination série. Il y a aussi le Silence ça tourne du mercredi à 14h avec Élise et Laura, que j'aime bien écouter le mercredi à 14h. Et puis, il y a aussi nos petits amis d'avant nous, Geek World. Geek World, qui parlent aussi de temps en temps de séries. Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui est à l'écoute, mais je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit que du côté de Disney, le meilleur Star Wars, c'est Rogue One. Les trois, la nouvelle trilogie, c'est moyen. Par contre, Rogue One, c'est excellent. Et je rajouterai aussi Solo. Bien. Eh ben, en attendant, si on est dans l'actualité, eh ben, y a Andor qui est sorti sur Disney+ cette semaine. Les trois premiers épisodes sont disponibles. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais un jour où Laurent ne sera pas là. Ouais, parce que moi, les séries de Star Wars de Disney sur Disney+, ça m'endort. Oh là, elle est bonne. Là, ça mérite une temps de pause. C'était la blague du jour et c'est pas moi qui l'ai faite. Franchement, Laurent, bravo. Je n'y pensais même pas. Au programme donc, pas Andorre. Hein. On ne dormira pas aujourd'hui, mais on fera un petit point, un petit tour tout à l'heure de toutes les nouveautés de cette semaine sur Disney+, sur Netflix ou sur Amazon Prime. C'est pas une grosse semaine au niveau sortie. On s'attardera aussi sur une bande-annonce fantastique, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, la série sur Netflix arrive courant octobre. On fera un petit focus là-dessus. Dans quelques instants, je vous l'ai annoncé, sur Ordre de Dieu, c'est la série de Disney+ de cet été qui a eu un beau petit succès et qui va nous intéresser aux Mormons. Une enquête chez les Mormons, par un Mormon lui-même. Et ben, ça va le secouer, le gars. Il ne va pas finir très bien dans sa foi, mais ça, ce sera dans quelques instants. Et on commence avec elle. Alors elle n'est peut-être pas tout à fait secouée comme on voudrait, mais c'est notre amie Mylène Farmer qui revient au top avec ce nouveau single qui préfigure un très beau album à venir. Voici À tout jamais. Mais quand tu dis pas secouée comme on voudrait, c'est-à-dire ben c'est, elle est un peu perchée. Hein. Ah bon? Non. Un petit peu quand même, pour écrire, pour chanter ça, c'est quelque part... Ah, je sais pas, je connais pas la chanson, donc on en reparle après. Eh ben écoute. Voici donc la nouveauté du jour, dans samedi, dans Ça ira mieux demain, ça commence pareil. Oui. À tout jamais, c'est le nouveau titre de Mylène Farmer. Et c'est une version maxi en plus. En plus, comme au bon vieux temps. Voilà. Chaud, le froid, qui d'autre se dénuer d'un cœur quand tout est mensonge, qu'il blessé me ronge là. Je doutais, je sais, qu'importe la vie m'enseigne. Lui dire fuck you too à tout jamais. Requiem pour tout recommencer. Plus de sorry, sorry, plus dans ma chair. Toi et ton double ami retourne en enfer. Seul au monde, il sait atteindre votre cœur. Tout bascule en quelques secondes. Il n'est plus pas seul, reste un seul au monde, il sait atteindre votre cœur. Tout bascule en quelques secondes. Il n'est plus pas seul, reste un pense quoi? C'est bien. Ah, c'est, je trouve que c'est un Mylène Farmer de un bon classique, comme elle en faisait dans les années 90. 2000. Ouais, mais en étant honnête, je m'attendais que pour un morceau qui dure 6 minutes, je m'attendais à un vrai maxi comme oui. Dans les années, années 80. C'est pas vraiment un maxi, c'est une version extended. Donc ouais. C'est pour ça que je me permets de l'interrompre un peu parce que j'ai l'impression un peu que c'est. Oui. Voilà, ça se rallonge. Et c'est dommage parce qu'à l'époque, avec Laurent Boutonnat, on avait des maxi. Je me souviens, j'en ai acheté un. La pochette est noire. Mm-hmm. Je sais plus comment il s'appelle. Ils avaient revisité Libertine et compagnie. On avait droit à des versions maxi. D'ailleurs, si tu veux, je peux amener la semaine prochaine une des versions, mais c'était magnifique. C'était énorme. Effectivement, mais je pense que cette version-là est potentiellement remixable bien comme il faut. Et je pense que ça pourra se trouver après. Dans les semaines à venir, on aura, à mon avis, des DJ qui vont s'emparer de ce titre et qui vont le remixer sans aucun souci. Parce qu'en fait, t'attends oui, t'attends oui. À... Et toi, alors c'est peut-être l'effet Soul Machine, mais à un moment donné, t'attends un truc qui s'en va, qui décolle. Effectivement, Et en fait, ça reste toujours sur le même tempo. Je suis d'accord avec toi. En plus, mais ça reste du bon Mylène Farmer. Du bon Mylène Farmer. À voir le clip, alors là, c'est vraiment du bon Mylène Farmer à l'ancienne. Il tire à voir le clip et on en reparlera. Tout de suite, parloir de cette semaine, nous allons direction donc Disney+, pour découvrir cette série sur Ordre de Dieu. Ça ira mieux demain. L'émission. Notre parloir s'intéresse cette semaine à une série adaptée d'un livre du même nom écrit par John Krakauer, la mini-série sur Ordre de Dieu a donc débarqué chez nous sur Disney+, fin juillet, avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Créé par Dustin Lance Black, qui a été oscarisé en 2009 pour le scénario de Mike de Gus Van Sant, la mini-série suit une enquête criminelle sur fond de dérives religieuses. Et c'est adapté d'une histoire sur l'affaire Lafferty, donc ce best-seller de Krakauer. De quelle affaire s'agit-il ? Il s'agit de l'affaire Lafferty. Et plutôt que de transposer littéralement le best-seller de Krakauer, Dustin Lance Black a choisi de romancer légèrement l'histoire, basée sur un fait divers sordide, afin de pouvoir nous impliquer davantage. Il va créer deux personnages fictifs, et bien qui sont les héros de cette histoire, pas comme les autres. D'un côté, l'inspecteur Jeb Peer, joué par Andrew Garfield, et Bill Taga, joué par Jill Birmingham. Il les plonge au cœur d'une enquête ouverte en 1984 dans l'Utah, le fief des Mormons, à la suite de l'assassinat d'une jeune femme, Brenda White Lafferty, jouée par Daisy Edgar Jones, et de son bébé de 15 mois. Cette série arrive bien plus tard, car c'est un projet de 10 ans qu'a eu le showrunner Dustin Lance Black, puisqu'au départ, il voulait faire un film. Il voulait adapter ce livre en film. Et il a avoué dans une interview: c'était une erreur de vouloir en faire un long métrage au départ, car il n'y avait pas assez d'espace pour raconter cette histoire en détail et comprendre tous les personnages concernés. Il avait besoin d'un récit d'investigation qui était absent dans le livre. C'est donc le départ de cette histoire que vous pourrez découvrir sur Disney+. Tout au long de ces 7 épisodes, les indices vont s'accumuler sans jamais orienter les enquêteurs sur de fausses pistes. On va toujours dans le même sens, puisque le ou les meurtriers ont été publiquement identifiés au moment des faits. L'enjeu premier est de nous intéresser à chacun des membres du clan Lafferty et notamment de sa fratrie. Parmi les suspects potentiels, citons Ron Lafferty et ses frères cadets Dan, Robin, Samuel et Allen, le mari de Brenda. Sur Ordre de Dieu navigue entre deux époques, le présent avec l'enquête et bien sûr un passé récent qui va nous expliquer les circonstances ayant conduit au double meurtre. Et un passé un petit peu plus ancien où là on va plonger dans les origines de l'église mormone qui, rappelons-le, a été fondée en 1830 par un certain Joseph Smith. Les flashbacks vont permettre de faire correspondre les événements entre eux et permettre aux enquêteurs de s'interroger aussi sur leur propre conscience, jusqu'à même avoir des visions. La série nous plonge ainsi dans le monde des Mormons et leur mode de vie, un monde profondément machiste, Brenda va essayer de s'élever contre cela, redorer à son échelle le blason de la condition féminine, une mission que la gente masculine n'est pas prête à lui laisser accomplir. Céleste, puissions-nous être vos outils afin de réparer ce que nous trouvons brisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une jeune femme et sa fille de 15 mois ont été assassinées chez elle. Nous demandons l'aide de toute la population. Nous ne sommes pas une communauté ayant pour habitude de verrouiller nos portes. Et nous estimons qu'il serait désormais prudent de faire preuve de vigilance. Les preuves révéleraient des pratiques et des croyances dont je n'avais que très rarement entendu parler. Je ne fouille jamais dans le passé. Vous devriez en faire autant. À la seconde, quelqu'un posait son regard sur elle. Il était sous son charme. Il y a une présence démoniaque dans sa famille. Et si ce dossier ne se résumait pas à un mari qui s'en prend à sa femme? Et si ce soir n'était que le tout premier signe d'une malédiction qui s'était finalement frayé un chemin hors du sol de notre désert? Arrêtez-vous, non! Ça va au-delà d'un simple meurtre. Ça va au-delà de tout ce en quoi je crois. Jeff Pryor, le héros et l'enquêteur principal, va donc aussi s'interroger sur sa foi lors de cette série, puisque lui est aussi profondément mormon. Il va être éprouvé par tout ce qu'il va découvrir. Le héros va s'accomplir au moment où il va admettre aimer sa famille avant d'aimer Dieu. C'est là où sa foi le porte en priorité auprès des siens. En s'interrogeant sur sa foi, Jeff Pryor va se recentrer aussi sur sa famille, et c'est aussi un des beaux messages de cette série. Être là simplement avec toi, c'est le plus miraculeux pour moi. Voilà les paroles de Jeff Pryor dans les dernières répliques de la série lorsqu'il va s'adresser à sa mère. Et franchement, un beau message pour la fin de cette série. Some say love, it is. She was perfect. That drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say sur ordre de Dieu, cette nouvelle série disponible depuis cet été sur Disney+, cet épisode à découvrir très vite. I bet you think your testimony is bulletproof, that you know our history, truth. Let me tell you this, if you feel certain, that certain, you don't know a thing. And we're down, we go, go. I could not see how the best for my little girl would be caught up in a church and would force her to make covenants to obey all men for the rest of her life. Do you have a daughter? Stop it, stop it. Al, stop. You know, back around with the founders, they, Thomas they saw little girls and women, all of them, as eternal servants. They were taught to be obedient and submissive. They were even abused. Some of them were raped. And you should see the things that Annie is already writing in her journals. Things were so wicked that the only way one could be cleansed of them is by spilling the sinner's blood on the ground. And she said that these ideas came from the words of our prophets. What are you asking me? I guess I'm asking, could such things be a part of us? I don't go digging in the past. And neither should you. Voilà, c'était notre parloir concernant cette belle série qui nous interpelle quelque part quand on la regarde. Et c'était un regard d'une, sur une série policière différente au milieu des Mormons. On enchaîne maintenant avec notre palais. Et là, un focus. On reste sur la France et les séries françaises. On était avec les combattantes il y a quelques instants, il y a quelques minutes avec Laurent. Là, on va repartir dans le passé pour une série bien récente et bien actuelle qui sort en octobre, Notre-Dame, la part du feu. J'ai ouvert les yeux en grand. J'ai vu ce qu'il y avait devant moi. Et j'ai su que cette nuit-là allait être la nuit la plus importante de ma vie. Ça fait 30 ans qu'on se confronte, le feu et moi. Parfois j'ai gagné, d'autres fois j'ai perdu. Je vais remettre ma démission demain. Victoire, c'est moi, c'est ton père. Je sais pas où tu es. Elle va mourir, ta mère, Victoire. Je sais pas combien de temps elle tiendra encore. On dit que vous insistez pour revenir sur le terrain. Alice, c'était il y a 2 mois. Mais je suis prête, colonel. Alice, départ de feu. Où ça? Au moment où je vous parle, je ne sais pas si elle peut encore être sauvée. L'audience se casse la gueule depuis des mois et veut que son présentateur vedette soit sur le terrain. Je te veux au milieu des pompiers dans 15 minutes. Je sais que vous allez vouloir montrer à tout le monde que votre place est là-haut. Ne prenez aucun risque inconsidéré. Sauvez la cathédrale. Sois perdu de celui. Ta mère a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis comme tous ces gens-là. Je crois en ça, cette cathédrale. Elle est universelle. J'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu raccrocher les wagons. J'imagine qu'on s'accroche tous à des trucs. Tout le monde se souviendra de ce qu'il faisait le jour où Notre-Dame a brûlé. Hé, hey, reviens ! Toi ! Vous ne devez pas abandonner. Pas maintenant. Bienvenue au palais. Oui, cette mini-série Notre-Dame à la part du feu autour de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 sera diffusée donc sur la plateforme de streaming le 19 octobre prochain. Plusieurs intrigues autour d'une même tragédie. L'incendie de Notre-Dame, Netflix, a donc dévoilé mardi 20 septembre la bande-annonce que vous venez d'entendre, cette mini-série Notre-Dame à la part du feu, qui va revenir en 6 épisodes sur l'un des événements les plus marquants de ces dernières années, le feu qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019. La mini-série chorale, construite à partir d'intrigues qui se croisent entre elles, montre le point de vue des sapeurs-pompiers ainsi que l'impact que l'incendie a eu sur la vie des personnages qui vont devoir aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, nous dit Netflix. Netflix décrit cette série comme captivante et a misé sur des images fortes. Elle s'inspire aussi d'un livre, La nuit de Notre-Dame, qui a été écrit par la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et Romain Guibert en novembre 2019, donc quelques mois après l'incendie. Le livre retrace heure par heure ce qui s'est passé ce 10 soir de l'incendie. Et donc pour Hervé Admar, qui est créateur et réalisateur de cette mini-série, Notre-Dame fait partie de ces lieux emblématiques qui racontent notre société et qui disent d'où nous venons et peut-être où nous allons. On s'est tous un peu rendu compte à des degrés divers le jour... On s'en est tous un peu rendu compte à des degrés divers le jour où ce symbole a brûlé. Alors, on attend beaucoup, on attend beaucoup de cette série. C'est vrai que la bande-annonce intrigue et donne envie. La musique aussi est très... La nappe musicale est très bien placée. À noter quand même, et ça on nous l'annonce, que déjà la série sera diffusée le 19 octobre dans 190 pays et traduit en même temps en 70 langues. C'est donc toute l'attente qu'a Netflix sur cette série. Ce n'est pas une petite, entre guillemets, sans vouloir être péjoratif, une petite série française que Netflix a voulu faire. C'est vraiment une production internationale. Comme Lupin. Comme Lupin. Voilà, on est dans cet ordre-là. Et franchement, il y a un sacré casting avec des gens comme Roche Dizem, Caroline Proust, Simon Apkarian, Alice Izaz ou Victor Belmondo. Mais aussi plein de petits rôles qui vont donner toute la dimension à cette série. Un petit plus aussi, un scénariste de la bande dessinée a aussi été de la partie. C'est Olivier Bocquet, qui a co-signé donc le scénario de cette mini-série. Et notamment, si vous connaissez, pour tous les fans de bande dessinée, les séries Lady Wisgun, c'est lui. Et donc, il s'est retrouvé dans ce monde-là. Et j'ai pu lire quelques articles, je vous disais, il a été subjugué par ce monde de la série. Et justement, par l'écoute qu'ont eu tous les producteurs et Netflix pour écouter et prendre vraiment appui sur des choses réelles. Et ils ont vraiment eu carte blanche pour réaliser cela. Et c'était intéressant à signaler aussi. Ce n'est pas un mastodonte américain qui a débarqué avec des idées bien préconçues. Non, ils ont eu carte blanche pour réaliser ce qu'ils souhaitaient faire. Donc, ils ont essayé de se rapprocher de la réalité, des vrais enchaînements des événements. Et voilà, et en créant des petites histoires en parallèle à cela. Très rapidement, parce qu'il est déjà 19h29, quelques nouveautés. Bon, on a effectivement la grosse nouveauté. Effectivement, elle est arrivée hier. C'est sur Disney+. C'est Andor. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais une spéciale dédicace quand même. Donc, c'est sur Disney+. Une pensée pour toi, Laurent, et pour moi. Mais j'ai quelques saisons de retard. Demain, samedi 24 septembre, c'est la saison 5 de Dynasty qui arrive. C'est la dernière saison. Et c'est la dernière saison. Puisque voilà, la chaîne américaine qui diffuse le feuilleton a décidé de stopper l'aventure malgré un succès à l'international grandissant. La série se vend très bien à l'international. Malgré ce succès, ils ont décidé que la cinquième saison serait la dernière. À découvrir donc demain pour tous les fans sur Netflix. C'en est fini pour Ça ira mieux demain l'émission. Merci Laurent, on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Et moi je vous retrouve juste après un petit repas. Je vous retrouve dans une demi-heure pour la révélation du nouveau Hot 40. Et bien sûr, tout au long de la semaine, vous pouvez nous retrouver sur samedi.fr. Très très bon week-end à tous et à toutes et à bientôt. À bientôt, bye bye. Bye, bye.